petit ruisseau. Depuis la nuit des temps, il coule doucement. Le petit ruisseau, témoin des anciens temps. Les troupeaux venaient boire, les femmes lavaient le linge. À l'ancien lavoir, où la vie était un mélange. Mais l'homme a oublié, détourné, caché. Le ruisseau est toujours là, prêt à se déchaîner. Quand la nature se fâche, elle reprend ses droits. L'homme fait n'importe quoi et il ne voit pas pourquoi. Les enfants jouaient, leur rire résonnait le long du ruisseau où les souvenirs sont gravés. Mais les années ont passé, les hommes ont construit des routes, des maisons. Le ruisseau a disparu. Mais l'homme a oublié, détourné et caché. Le ruisseau est toujours là, prêt à se déchaîner. Quand la nature se fâche, elle reprend ses droits. L'homme fait n'importe quoi et il ne voit pas pourquoi. Sous le béton et l'acier, le ruisseau murmure. Il attend son heure, il n'a pas perdu sa nature. Les pluies viennent et vont, le ruisseau gonfle. Il devient un torrent, la colère se déploie. Mais l'homme a oublié, détourné et caché. Le ruisseau est toujours là, prêt à se déchaîner. Quand la nature se fâche, elle reprend ses droits. L'homme fait n'importe quoi et il ne voit pas pourquoi. Les maisons sont inondées, les rues sont des rivières. L'homme se demande pourquoi, il cherche ses repères. Mais le ruisseau se venge, il reprend son chemin. Il rappelle à l'homme qu'il n'est qu'un simple humain. Mais l'homme a oublié, détourné et caché. Le ruisseau est toujours là, prêt à se déchaîner. Quand la nature se fâche, elle reprend ses droits. L'homme fait n'importe quoi et il ne voit pas pourquoi. Les anciens savaient, ils repéraient la terre, ils vivaient en harmonie, sans causer de guerre. Mais l'homme moderne, aveuglé par son progrès, a oublié le ruisseau et maintenant, il paye. Mais l'homme a oublié, détourné et caché. Le ruisseau est toujours là, prêt à se déchaîner. Quand la nature se fâche, elle reprend ses droits. L'homme fait n'importe quoi et il ne voit pas pourquoi. Il est temps de changer, de revenir en arrière, de respecter la nature, de repérer nos erreurs. Le ruisseau nous appelle, il veut retourner à sa place pour que l'homme et la terre vivent en harmonie, en pleine grâce. Mais l'homme a oublié, détourné et caché. Le ruisseau est toujours là, prêt à se déchaîner. Quand la nature se fâche, elle reprend ses droits. L'homme fait n'importe quoi, il ne voit pas pourquoi. Écoutons le ruisseau, il attend à nous dire. Il nous rappelle que la nature est notre avenir. Respectons ses chemins, ses murmures et ses chants pour que l'homme et la terre vivent en harmonie tout le temps. Mais l'homme a oublié, détourné et caché. Le ruisseau est toujours là, prêt à se déchaîner. Quand la nature se fâche, elle reprend ses droits. L'homme fait n'importe quoi. Et il ne voit pas pourquoi.